Charlie. Sans histoire, ça va bientôt disparaître. Une go sans histoire, purchase your tracks today. Ça va bientôt disparaître. Elles sont où tes pinko? Tu fais quoi, t'es dispo? Allez viens, on va s'isoler. Plus besoin de ton bigot. On se perd dans les draps. Plus de stock en mémoire. Calcule pas, on verra où tout ça nous mènera. Sur ma joue, tu fais balader tes jolies ondes. Ouais, ouais, ouais, ouais. Je t'avais prévenu qu'avec moi c'était sans condition. Ouais, ouais, ouais, ouais. Mais j'espère que t'as la condition physique. Ouais, ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai prévu de faire mission tiki tiki. Ouais, ouais, ouais, ouais. Tiki tikata, tiki tika bam boum. J'aime quand tu danses et tes hanches font bam bam boum. Tiki-tikata, tiki-tika, bam-boum. J'aime quand tu danses et que en chou, bam-bam-boum. Une go sans histoire, ça va bientôt disparaître. Une go sans histoire, ça va bientôt disparaître. Mes affaires par la fenêtre, j'arriverai pas à faire. Ça va pas la tête. Tu nous mènes à la perte. Une go sans histoire. Comment c'est la mienne? Comment c'est la mienne? Tiki tikata, tiki tikat bam boum. J'aime quand tu danses et que hanches font bam bam boum. Tiki tikata, tiki tikat bam boum. J'aime quand tu danses et que hanches font bam bam boum. Tiki tikata, tiki tikata, tiki tikata, tiki tikat bam boum. Tiki tikata, tiki tikata, tiki tikata, tiki tikat bam boum. Go sans histoire, ça va bientôt disparaître. Go sans histoire, ça va bientôt disparaître. Go sans histoire, ça va bientôt disparaître. Go sans histoire, ça va bientôt disparaître.